Pandnamé, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 43. Qu'il faut se garder de deux sortes de personnes. L'homme prudent doit éviter deux sortes de personnes, pour être à l'abri des malheurs et de l'infortune. Il doit fuir un ennemi qui ne cherche que des sujets de querelle, et éviter la société d'un ami insensé. Tiens-toi éloigné de ton ennemi, et ne permets pas à un ami insensé d'approcher de toi. Mon fils, ne parle point aux hommes avec dureté, autrement ils te tourneront le dos. Veux-tu savoir quel est l'homme le plus excellent? C'est celui qui rend à chacun ce qui lui est dû, sans exiger pour lui-même une semblable justice. Lorsque tu adresses à un pauvre des paroles de bonté, c'est pour lui un bienfait plus agréable que si tu le revêtais d'un habit de soie. Retenir sa colère est l'ouvrage d'une grande âme, c'est un fruit qui semble amer, mais il est plus doux que le sucre. Celui qui ne sait point s'accommoder avec les hommes au milieu desquels il vit, traînera des jours tristes et remplis d'amertume. As-tu vu un homme souillé de crime et qui ne rougit de rien? Sache qu'il doit certainement le jour à un commerce impur. Si tu veux être à l'abri de la calomnie et des soupçons, demeure toujours dans la société des hommes de bien. Suivant ce proverbe arabe, un ennemi sensé vaut mieux qu'un ami insensé. En effet, dit l'auteur de l'Anvari Sohili, il peut se faire qu'un ennemi sage et prudent diffère l'exécution de ses projets, tant qu'il ne trouve pas une occasion favorable, et que ce délai vous procurant le moyen de découvrir dans sa conduite quelques indices de sa mauvaise volonté, vous vous mettiez sur vos gardes, et vous vous précautionniez contre les effets de sa malice. Au contraire, un ami dépourvu de sagesse a beau vouloir vous servir et prendre vos intérêts, vous n'en tirez aucun avantage réel, bien plus, il arrive ordinairement que par son imprudence et sa maladresse, il nuit à ceux qu'il veut servir. Un ennemi savant qui fait le tourment de la vie, vaut encore mieux qu'un ami ignorant, car tout ce que fait celui-ci n'est que dommage, ou s'il est quelquefois utile, c'est à bien peu de choses. Chapitre 44. De certaines choses qui rendent un homme digne de mépris. Certaines qualités couvrent le visage de confusion, je te les apprendrai, si tu me témoignes le désir de les connaître. La première est d'aller, comme une mouche, s'asseoir à la table d'autrui sans y être invité. Celui qui prend place dans un festin sans y être convié, s'attire le mépris, le chagrin et a honte d'en être chassé. Celui-là se rend aussi méprisable, qui s'introduit dans une maison étrangère et veut y donner des ordres. Régler sa conduite sur l'exemple de ces deux hommes, qui, ne suivant que leur sottise, sont toujours en dispute, c'est le moyen de se couvrir d'ignominie. Si celui qui s'assied au-dessus des grands, attire la confusion sur son visage, cela n'a rien de surprenant. Si tu te trouves au milieu d'une assemblée dont les oreilles ne soient point disposées à t'entendre, quand tu aurais 100 paroles à dire, n'en profère point une seule. Garde-toi de recourir à tes ennemis dans tes besoins, il n'y a rien au monde qui soit plus honteux. Ne demande rien à un homme méprisable, de crainte de t'exposer toi-même au mépris. Si tu veux éviter la honte, le chagrin et l'affliction, abstiens-toi de badiner avec une femme, et de jouer avec un enfant. Chapitre 45. De six choses qui sont d'une grande utilité. Il y a six choses dans ce monde qui sont utiles et excellentes. La première est une nourriture saine et agréable, et dont on n'use qu'une seule fois. Un ami sincère et complaisant est un trésor dans ce monde, c'est encore un bien précieux, qu'1,12 m est humain. Un langage droit est toujours conforme à la vérité, et préférable à tous les biens de la terre, parce qu'il procure de grands avantages. Sache qu'un bon jugement acheté au prix du monde entier, ne s'était pas payé trop cher, et si tu en es doué, sois satisfait et plein de joie. Il ne convient pas de s'unir par les liens de l'amitié à celui qui est ennemi de Dieu, puisqu'un jour tous les hommes comparaîtront devant lui. Il ne faut point reprocher à un homme ses défauts, car il n'y a aucune chair qui soit exempte d'ulcère, c'est-à-dire qu'il n'y a point d'homme qui soit totalement exempt de défauts. Mon fils, c'est à Dieu que tu dois avoir recours dans tous tes besoins, les créatures ne peuvent ni te nuire, ni t'être d'aucune utilité. Dieu seul peut venir au secours de ses serviteurs, adresse-lui donc tes demandes, et adresse-les à lui seul. Quiconque respecte et redoute la toute-puissance de Dieu, sera lui-même craint de tous les hommes. Celui-là triomphe de Satan, qui sait retenir sa langue et ne lui permet de proférer aucune parole maligne. Chapitre 46. De cinq choses qui ne proviennent jamais de cinq sortes de personnes. Cinq sortes de choses ne proviennent jamais de cinq sortes de personnes, grave dans ta mémoire cet avis que tu reçois de moi. L'amitié ne se trouve point dans le cœur des rois, c'est une vérité indubitable, que tu dois croire sur le témoignage des hommes instruits, les religieux, les contemplatifs. Tu ne verras point de politesse dans les gens d'une condition vile, et un homme d'un mauvais caractère ne parviendra point à la grandeur. L'odeur de la compassion montera-t-elle jamais au cerveau de l'envieux qui regarde avec jalousie la fortune d'autrui? Le menteur ne parlera en aucun cas suivant la vérité, il ne brillera jamais de l'éclat de la bonne foi. Je ne puis m'empêcher de rapporter ici quelques vers du Gulistan de Saadi, sur l'envieux. Je puis bien ne causer de peine au cœur de qui que ce soit, mais que puis-je faire à l'envieux, qui est lui-même la cause de la peine qui le tourmente? Meurs, envieux, si tu veux être délivré de ton mal, car ta maladie est de celle dont on ne peut être guéri que par la mort. Les malheureux désirent ardemment voir les hommes que favorise la fortune privée de leur richesse et de leur dignité. Si l'œil de la chauve-souris ne voit pas durant le jour, est-ce la faute de l'astre, source de la lumière? Veux-tu que je te dise la vérité? Ah, puisse plutôt au milieu de cette espèce être aveugle, et l'éclat du soleil n'être point obscurci. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.